13h de l'après-midi, alors que tout le monde dort encore, moi, devant mon dictaphone. Je comble ma solitude, je suis seul et je me dénude, je suis alone dans ma zone. Plus bas que terre, wow, comme un nouveau célibataire. Plus rien à faire, wow, comme un nouveau célibataire. L'amour ne me tente plus, je vais rester seul à profiter, mais profiter de quoi? Profiter de ma télé, non. Profiter de mes CD, non. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Je veux sortir, wow, comme un nouveau célibataire. Je veux sourire, wow, comme un nouveau célibataire. Le 6 avril 2010, voici un mois entier que je n'ai plus de copine. Vivement la fin du monde, vivement que ma maison s'effondre, prie pour qu'elle tombe sur moi. Je veux mourir, wow, comme un nouveau célibataire. Et je regrette, wow, d'être de nouveau célibataire.